Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Dans 6.3 FPP, la jungle des luttes, merci de nous écouter. C'est donc le programme en direct de 19h à 20h30, tout comme, comme tous les troisièmes mercredis du mois. On est retransmis le quatrième jeudi de 8h30 à 10h. Parce que je crois qu'avant je disais 8h à 9h30, mais il me semble que c'est 8h30, 10h justement. Enfin bref, c'est par là le quatrième jeudi matin. Et au mois d'août, donc la radio est fermée, mais normalement, on va essayer de proposer un programme. Donc normalement, on sera encore avec vous le mois prochain. Ça ne nous arrive pas souvent de réussir à avoir un programme pour le mois d'août. Mais donc, on se retrouvera évidemment encore ensuite, en septembre évidemment. Mais là, pour le moment, on est encore donc qu'en juillet. Il fait chaud, c'est chaud. Tout est chaud de toute façon. L'actualité est chaude, c'est bouillant, c'est tout. Et donc, on sera justement avec Saccage 24. C'est un collectif qui a été qui est lié aux Jeux Olympiques dont on veut pas et qui vont avoir lieu évidemment. Par contre, il y a tout un tas de mobilisations encore possibles pour en tous les cas alerter sur ce saccage à venir. Et donc il y aura Antoine qui sera avec nous a priori au téléphone. Tout de suite après notre pause musicale, quand on commencera le programme. Et avec nous dans les studios, il y a Nat. Et donc, on pourra aussi continuer à parler avec elle de cette promesse de ces fameux Jeux Olympiques qui, en général, ont attiré dans tous les pays des grands mouvements de contestation et de répression également. Donc, on aura l'occasion d'en parler. On parlera ensuite avec Raymond, qui fait notamment partie du comité de solidarité avec les Indiens des Amériques. Et donc, on parlera un petit peu avec lui de ce qu'il en est de nos territoires, ces départements d'outre-mer, et dont on ne parle pas vraiment, en fait, et dont on n'a pas conscience qu'on est encore avec des populations colonisées, si on peut dire. Et on terminera ensuite avec un petit point info sur le Chiapas, puisque tout continue, donc rien ne s'améliore, même malgré toutes les tentatives et les combats et la résistance. Donc on sera avec Antoine, un autre Antoine, au téléphone toujours, qui pourra nous donner un petit peu des infos, puisque en ce moment, il y a pas mal de répression et d'actions, des violences perpétrées par des paramilitaires, différents groupes, tout le monde s'y met en général dans ces situations. Qu'on est donc sur un des communautés zapatistes, et notamment un territoire sur lequel Antoine et Juliette étaient partis en brigade d'observation il y a quelques mois. Et donc, ils sont très attentifs à ce qui se passe. Et donc, ça nous permettra justement d'avoir un écho en direct. Et merci aux filles pour la technique. Et à Lucien, puisqu'il va plus être avec nous, ce cher Lucien. Donc, il va nous manquer. Merci à lui. Et merci à FPP de nous accueillir depuis tant d'années. 106.3 FPP, c'est la jungle des luttes. On fait une petite pause musicale avant de commencer l'émission avec Saccage 24. Força dels que ja van marxar per no tornar, amb l'empenta dels que avui encara estan per venir. Som la gesta, un ideal que s'avança pas a pas, que si algú mai ens pren la llum, calarem el foc i munt. I ho els barrancs foscos i prats, el més luxós d'aquesta llar, per cuidar, per treballar, no per vendre ni comprar. Quan caurà l'últim pastor, comprendran el seu valor. Agafem-nos fort les mans per acollir el nostre demà. Tenim la llavor, tenim la llavor. I la terra va sembrar pedres de vida, muntanyes i mars, lliures al llarg dels anys. Un poble batega entre roques i estanys, amb l'horitzó endavant. Pedres de vida, muntanyes i mars, lliures al llarg dels anys. Un poble batega entre roques i estanys, amb l'horitzó endavant. Per veure què hi ha més enllà, tu t'enfilaràs pel sud i jo obriré camí pel nord. Quan arribarem al cim serem a meitat de camí, haurem vist que som germans i que els rius són la nostra sang. No era d'home de terra d'espai, sinó que la salvam tas nos pis. Quina hi ha freds, que les netets, que novedets, que no hauran nadent. Ens donen paraules de fum i llautó, s'emporten el bronze, la plata i l'or. Se sent el soroll d'una revolució, arrenca el motor d'una serra que es mou. Muntanyes i vals, lliures, lliures, al llum dels anys. Tenim la llavor, tenim la llavor. I la terra per sembrar. Pedres de vida, muntanyes i vals, lliures al llarg dels anys. Un poble batega entre roques i estanys, amb l'horitzó al davant. Dies de vida, muntanyes i vals, lliures al llum dels anys. Un poble batega entre roques i estanys, en l'horitzó endavant. Pedres de vida, muntanyes i vals, lliures al llarg dels anys. Un poble batega entre roques i estanys, amb l'horitzó endavant. Pedres de vida, muntanyes i vals, lliures al llarg dels anys. Un poble batega entre roques i estanys, amb l'horitzó al davant. 106.3, la jungle des luttes. On est donc avec Saccage 2024. T'es là, Arthur? Coucou, bonjour. Salut. Allô? Alors, bah, oui, ouais. On m'entend bien? On t'entend très bien, ouais. Ça... Merci à toi de nous avoir appelés. Avec plaisir, merci de me donner la parole. Ben non, c'est l'occasion, là c'est important de parler de ce qui va nous arriver et donc de vous donner la parole puisque vous êtes mobilisés à ce propos là des JO, donc Saccage 2024. Je te laisse nous présenter peut-être le collectif, que tu nous racontes un peu ce que c'est, ce que vous faites et éventuellement comment on peut participer, contribuer. Et puis avançons aussi après dans tout ce que vous avez à nous raconter. Avec plaisir. Alors, je pense que la première chose qu'on peut dire, c'est que les Jeux Olympiques, c'est un grand événement mondial qui est dans plusieurs pays, qui tourne un peu dans le monde. Et c'est un très, très gros événement sportif. Un des organisateurs se pavane en disant qu'un humain sur deux regarde les Jeux Olympiques. Bon, à nos yeux, c'est surtout un super outil pour détruire nos quartiers et pour faire avancer, disons, le Grand Paris encore plus vite. Détruire nos quartiers, que ce soit dans, disons, l'urbanisme, dans le nombre d'espaces verts, dans la façon de construire les bâtiments, mais aussi, et ça, Natsuko, qui est, je crois, en plateau, coucou Madame Natsuko, pourra mieux en parler que moi, mais aussi sur le côté surveillance hein, et toutes les caméras de surveillance qui sont installées pour les JO et les logiciels de surveillance, etc. La liste est très longue, hein. On pourrait aussi parler des valeurs du sport que portent les JO avec leur slogan « plus haut, plus vite, plus fort » qui pourrait être le slogan finalement du capitalisme. Donc voilà pour ce que c'est les Jeux Olympiques et comment nous on les voit. Alors qu'est-ce que c'est Saccage 2024? Parce que je dis « on », mais finalement ça serait bien de le définir. Donc nous, on est un intercollectif à l'origine hein, qui mettait en lien des collectifs en lutte contre des projets sur le territoire. Donc par exemple, on s'est mis en lien avec les gens qui luttent contre le projet de village des médias sur l'Art des Vents. On s'est également mis en lien avec les gens qui luttent contre l'échangeur Playel à Saint-Denis, un échangeur qui va encercler une école de 600 enfants. Et aussi, bien sûr, hein, la lutte la plus connue avec les personnes qui se mobilisent contre la destruction des jardins ouvriers, à Aubervilliers. Donc des collectifs en lutte comme ça, mais aussi des collectifs plus globaux, disons plus transversaux, comme Extinction Rebellion, Youth for Climate, le syndicat l'Union Solidaire, et aussi des collectifs comme Non aux Jeux Olympiques ou le collectif pour les terres de Gonesse, ou le MNLE 93, Mouvement national de lutte pour l'environnement. Donc voilà, plein de collectifs de divers horizons qui se sont retrouvés parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient un adversaire commun qui était les Jeux Olympiques et donc Paris 2024 qui est l'organisateur des Jeux Olympiques. Donc on s'est mis en lien en fin 2020 à l'occasion d'un Toxic Tour, donc une balade urbaine qui sert à mettre en avant. Alors attends, excuse-moi, du coup t'es comment au niveau du téléphone, parce que du coup des fois ça fait beaucoup de bruit. Ah pardon. Ouais. Si tu peux essayer de stabiliser. Je me suis mis dehors, donc peut-être que je vais me mettre à ouais, à l'intérieur. Je pense que ça fait peut-être du vent. Ouais, je te remercie. Et des avions. Ouais, en plus. du coup, donc un petit tour, donc une balade urbaine qui sert donc à voir pour de vrai les dégâts que peuvent provoquer les Jeux Olympiques. Alors au début, on était plus sur les dégâts urbains, hein, donc avec l'échangeur Playel qui encercle l'école, mais aussi le village des médias qui se construit sur un parc, hein, une partie du parc de la Courneuve, et les jardins d'Aubervilliers. Puis ensuite, on a élargi sur des questions plus transversales. Ben, oui, puisque voilà. Effectivement, ça touche plein d'activités, plein de lieux, comme on disait, ruraux aussi. Enfin, c'est-à-dire pas seulement Playel qui nous touche et dont on a plus facilement de liens, en fait, parce que tout ce qui est urbain, mais justement, le temps qu'on aille jusqu'à Gonesse, ça nous paraît loin. Enfin, ça reste loin et petit à petit, on se rapproche. Effectivement, il y a tout un tas de territoires qui vont être touchés et qui vont être nouvellement investis. Et Yannat qui voulait dire quelque chose, justement. Oui, notre collectif est basé en Île-de-France, notamment en Seine-Saint-Denis, mais les saccages se trouvent un peu partout en France. Et on a découvert notamment l'ampleur de dégâts à Marseille, parce qu'il commence le chantier pour la marina olympique. Mais en fait, pour faire le site olympique, ils ont laissé tomber les travaux prévus pour les bateaux, le genre associatif, tout ça, quoi. On te laisse reprendre si tu veux, Arthur. Avec plaisir. Il y a aussi un point qu'on n'a pas évoqué, c'est la gentrification, bien sûr, que provoquent les Jeux Olympiques. Et ça, on l'a vu dans tous les Jeux Olympiques qui ont lieu jusqu'à présent. Où on se rend compte voilà, que les Jeux Olympiques, c'est surtout une super façon de gentrifier, hein, tout simplement, c'est-à-dire de faire venir des populations plus riches. On l'a vu à Londres et là, on le voit à Paris. Et l'exemple qu'on aime bien donner, parce que c'est l'exemple le plus criant, mais c'est que juste à côté de la piscine d'entraînement olympique à Aubervilliers qui détruit des jardins, bon, juste à côté, il y a un écoquartier qui se construit. Et cet écoquartier est déjà le quartier le plus cher d'Aubervilliers. Et ils mettent dans leur plaquette de vente des appartements la présence de cette piscine d'entraînement. Donc on se rend bien compte que les JO sont une façon aussi de mettre les pieds dans le jardin, de construire vite, parce qu'il faut que ce soit prêt pour 2024, de construire aussi avec, disons, assez peu d'opposition, parce que lutter contre les Jeux Olympiques, ça a assez mauvaise presse. En tout cas, ça pourrait être malvenu. On nous rétorque souvent qu'on est contre le sport ou contre le fait que les enfants fassent du sport. C'est pas du tout le cas, hein. On est contre les Jeux Olympiques. Et du coup, c'est vrai que lutter contre une piscine olympique, souvent, on passe pour des uluberlus. Alors que bon, déjà, les gens des jardins n'étaient pas vraiment contre la piscine, mais plutôt contre le solarium qui était attenant à la piscine, qui était plutôt un espace de loisirs, de bronzette et de sauna et de hammam. Mais dans tous les cas, bon, il est compliqué de lutter vraiment contre l'olympisme parce que, voilà, dans la tête, enfin, en tout cas, c'est ce qu'essaient de nous faire croire les organisateurs des JO et les administrations publiques, c'est que les JO, c'est l'union des nations, c'est le partage. image par le sport, etc. Bon, nous... De toute façon, c'est clair que ça rapporte effectivement, de toute façon, énormément d'argent. Tout le monde va être gagnant. Ça va être des nouvelles constructions, des offres d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a un bilan économique forcément prometteur pour ceux qui vantent, voilà, tout à fait, qui vantent les Jeux Olympiques. Après, effectivement, il y a... ça saccage. Ça saccage effectivement un certain nombre de données. Et donc, on peut s'atteler à la piscine ici et justement à Marseille, la Marina, et encore là-bas, un autre terrain. Et puis, de toute façon, ils ne sont pas encore tout à fait au point. Qui va jouer où, quand, quoi, comment. Donc, en fait, il y a aussi beaucoup de choses qui se font dans la précipitation. Et donc, en général, quand ça se fait dans la précipitation, ça se fait mal aussi. Et donc, il y a, je pense, beaucoup de dégâts, indépendamment du fait que c'est déjà prévu de faire des dégâts. Mais en plus, c'est pas du tout, ils ne sont pas du tout opérationnels. À 2 ans des ouvertures, tu vois qu'il y a encore beaucoup de données et que du coup, personne ne prend les choses très sereinement, moi, je trouve. Quand on regarde, je ne sais pas, peut-être que... Et la pression est plus forte justement sur cet agenda très serré, c'est sur les ouvriers du BTP qui vont construire les infrastructures, ouais, soit directement en lien, ouais, avec les JO, soit financées en partie par les JO. On va mettre une cadence très très très forte sur les ouvriers. Dans le quartier du village des athlètes, par exemple, les ouvriers travaillent de 6h à 20h, hein, qu'il vente, qu'il neige, qu'il passe canicule comme aujourd'hui. Et on leur demande d'avoir des cadences folles. Hein. Ouais, il y a d'ailleurs déjà eu un blessé très très grave sur le village des athlètes. Et dernière nouvelle, la personne est toujours dans le coma. Ouais, non, mais c'est pas de dimension raisonnable. Donc forcément, il y a des impacts. Ouais. Surtout pour Paris 2024, les travaux sont vraiment problématiques. Parce qu'il y avait une pandémie qui s'appelait machin-là. Et du coup, pendant cette période, les travaux étaient à l'arrêt. À cette période, nous, l'autre collectif, Anti-JO, qui n'était pas sa case 2024, a demandé l'annulation des JO. Et on a sollicité les associations pour refaire la pétition ensemble. Mais bon, on a récupéré 1000 quelques pétitions quoi, à la fin. Et on te laisse la parole si tu veux, Arthur, du coup, par rapport à du coup, tu as présenté un petit peu le collectif, votre vision. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là, pour qu'on puisse éventuellement vous joindre et participer aussi à ce collectif? Oui, c'est une bonne question. C'est qu'est-ce qu'on fait finalement? Donc, on a jusqu'à présent, on a organisé des toxic tours, donc ce genre de balades. On a aussi fait des manifs, on a soutenu des manifs ou des collectifs. On a organisé le 21 et 22 mai des rencontres internationales anti-olympiques où des anti-olympiques du monde entier sont venus nous rejoindre à Saint-Denis, dans l'Université Paris 8, pour échanger sur les dégâts des Jeux Olympiques à Paris, mais surtout et aussi ailleurs. Et donc ça nous a bien enrichi, d'autant plus que finalement, Saccage 24, à l'origine, n'est pas un collectif anti-JO, mais il est devenu en septembre de cette année, de l'année dernière, pardon. Et de cette année scolaire, disons. Et c'est vrai que cette rencontre internationale était une façon pour nous de vraiment se poser la question, bon, maintenant qu'on est contre les JO, ça serait bien de savoir un peu plus précisément ce qu'ont fait les JO autre part et comment lutter contre et comment ils ont lutté contre dans d'autres pays. Donc ça, c'était le 21 et 22 mai. Et là, on continue à se mobiliser. On fait toujours des réunions publiques régulièrement, une fois toutes les 2 semaines à peu près, où on échange sur les sujets, d'actualité des JO, mais où aussi on essaie de se former entre nous et on essaye de récupérer toutes les énergies vives et de les mettre en action pour lutter sur le terrain contre les Jeux Olympiques. Et donc là, notre prochain rendez-vous, c'est jeudi. Là, on est mardi, pour ceux qui nous écoutent en direct, vous le savez, mais pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, on est donc mardi. Non, on est en direct. Lundi. Ouais, on est en direct, là. On est en direct en ce moment-là. Là, on est lundi, donc, là. Parce que normalement, c'était mardi. Mais c'est... Non, on est lundi. Donc. Et donc jeudi là, qui arrive, on fera une rencontre publique dans Saint-Denis. Et le 27, donc mercredi prochain, on fera une balade à vélo qui partira de l'aire des vents, il y a le village des médias qui se construit, et on ira jusqu'à l'échangeur Pleyel, en passant par le village des athlètes et par le centre aquatique olympique, qui est cette grande piscine totalement surdimensionnée qui se construit juste en face du Stade de France.

en mouvement collectif, groupe d'affinité, pas de parti chez nous. En deux coins indépendants, adeptes de l'autonomie. Le peuple on vit avec et connaît chaque partie de son anatomie. Luttez, résistez, organisez-vous. FPP, la jungle des luttes, comité, émission proposée par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. J'en profite pour vous dire que vous pouvez rencontrer le comité le 1, 3 et 5e mercredi du mois à 20h30 au 33 rue des Vignoles, métro Avron. C'est dans les locaux de la CNT. Donc là, on a une des salles dans laquelle on se réunit. C'est une assemblée ouverte. Donc on partage des choses autour des apatistes et pas seulement. Depuis toujours, ceux qui connaissent les apatistes savent que la lutte depuis 1994 qu'ils ont lancée, c'est une lutte anticapitaliste et donc qui part de la base et donc qui peut épouser, que tout le monde peut épouser cette lutte évidemment puisqu'on est tous en bas. Et donc c'est à nous de construire et d'inventer autre chose, un autre système, d'autres relations au pouvoir entre nous. Et donc voilà, on y travaille tous les uns et les autres. Les unes et les autres, ici, là-bas, ailleurs et partout. Et donc, justement, au comité de solidarité, on essaye de créer des ponts entre les luttes. C'est un peu aussi pour ça que ça s'appelle la jungle des luttes. C'est aussi pour ça que, du coup, on peut parler de choses et d'autres en une heure et demie. Finalement, tout ça parce que ça se rejoint. On a tous un même ennemi. Et le pouvoir de l'argent. Enfin, le pouvoir et l'argent. Et donc le pouvoir patriarcal, des patrons et des ci et des ça et tout ça. Et donc avec à leur service en général des corps policiers qui ont différents noms selon les pays, etc. Et puis donc on se fait défoncer quoi. En général, dès qu'il y a quelque chose où on veut éventuellement dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on pourrait faire autrement, ça ne se passe pas bien. Et donc, justement, les histoires des GO, c'est entaché, souvent, à plusieurs reprises, depuis longtemps. C'est une grande histoire, les JO, en fait. Effectivement, on ne peut pas annuler des JO, on ne peut pas demander... Non, mais c'est parce que, c'est, comme on le disait, c'est international, ça tourne. Et donc, chacun veut sa part du gâteau. Et donc, il y aura, aux prochains Olympiques, encore un autre pays, encore une destruction, et encore des gens qui vont essayer de se défendre. Tout le monde va tirer la couverture à lui. Et puis, il y a toujours des gens qui partout vont résister, et heureusement, parce que il y a toujours des petites victoires, de toute façon, partout. Il y a de la lumière possible dès qu'on lutte et qu'on résiste. Oui. Mais je dépense autant de l'énergie et autant de temps pour cette lutte-là. C'est pas parce que je me contente des petites victoires, mais je rêve à voir la fin des Jeux Olympiques avant ma mort. Et je pense que c'est bien possible parce que je ne suis pas très jeune, mais je ne suis pas très vieille non plus. D'ici quelques décennies, mais peut-être même beaucoup plus tôt, on peut voir la fin des Jeux Olympiques. Mais parce qu'il y a de moins en moins de villes qui veulent organiser. On est en train de... les organisateurs des JO sont en train de choisir ville haute pour les JO 2030, les JO d'hiver en 2030. Mais nos camarades catalans ont réussi à faire retirer la candidature. On vient de passer la chanson. C'est le collectif catalan qui a créé cette chanson. L'une après l'autre, s'il n'y a personne qui veut organiser ces Jeux, c'est la fin des JO. C'est logique, n'est-ce pas? Tout à fait. Je suis assez optimiste de voir la conséquence comme ça. Mais effectivement, pour Paris 2024, la lutte n'est pas si simple que ça. Admettons, du coup, à cette phase, le collectif Saccage 2024 n'a pas encore officialisé son but ultime. Mais moi, perso, c'est déjà de contribuer à la lutte à l'échelle internationale. Anti-JO mondial et pour contribuer à la fin des JO, c'est mon but et ma motivation principale. Et aussi faire on prévoit les dégâts. On a déjà des saccages 2024 en France, mais c'est vrai que déjà la, petite victoire hein, au jardin d'Aubervilliers, c'est pas rien. Et on peut avoir accumulé des petites victoires aussi d'ici 2 ans. Et par rapport à ça, hein, mon souhait, la petite lutte que je veux gagner, c'est l'annulation de la cérémonie d'ouverture en des JO 2024 qui est prévue sur la Seine, c'est-à-dire en l'inauguration, c'est-à-dire que c'est en plein air. Et ils veulent rassembler 600 000 publics pour cet grand événement. Et pour cela, il faut mobiliser, selon la préfecture de police, 10 000 effectifs. 10 000 effectifs, ça représente à peu près 5% de la police nationale et la gendarme nationale combinées. C'est énorme, absolument énorme. Et du coup, certains policiers sont contre. Et il y a un vif débat au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques et la police. Et pour la première fois dans ma vie, je suis d'accord avec la police. Il faut annuler cette cérémonie de Belgique qui est complètement... On n'a jamais vu déjà. Il n'y a aucune édition des JO qui a organisé la cérémonie de Belgique qui est souvent plus vue que les compétitions. Et c'est souvent un grand, grand, grand spectacle avec tout et n'importe quoi. Et 600 000 spectateurs, on n'a jamais vu ça en France. Et je comprends très bien la peur de la police et pour cette cause, mais je suis solidaire avec cette peur au sein de la préfecture de police. Et il faut absolument annuler cette cérémonie d'ouverture et c'est à court terme ce que je voudrais absolument gagner d'ici 2 ans. Mais ce n'est pas possible, on ne peut pas faire comme ça. Quoi. Voilà. Mais ça, pour le moment, ce n'est pas tout à fait définitif, cette cérémonie. Elle est encore en discussion. Non, c'est vrai. Mais en gros, c'est les sportifs, le comité des organisations, des JO qui veut absolument faire. Et effectivement, la police, elle est contre. Mais les politiques, notamment Emmanuel Macron, il est plutôt l'avis du comité des JO, quoi. Oui, bah, il voudrait quelque chose de fantastique, inédit, inoubliable. S'il n'y a pas le débat public, si on laisse ce débat entre les aux fonctionnaires et les flics et les politiques, je ne sais pas si on peut gagner, mais je voudrais d'abord susciter le débat public. Donc, on peut commencer avec la fréquence Paris Pluriel et je vous remercie pour l'invitation. Et c'est un enjeu assez majeur à mes yeux. Tu voulais dire quelque chose, Arthur? Ou parce que je ne sais pas si tu es tout à fait encore avec nous. Ou si, Je suis encore là, je suis avec mes poules, du coup, il y aura peut-être des cartes, Mais si, après, ce qui est intéressant avec l'histoire de la semaine d'ouverture, c'est que c'est aussi une lubie de Macron et qu'il a dit ça à un moment, à une de ses prises de parole, je ne sais plus laquelle, et que tout le monde, toujours, hein, comme Emmanuel Macron fait toujours, tout le monde a dû faire avec ça et se dire bon, bah, maintenant qu'il l'a dit, comment on va le faire? Et voilà, on se retrouve avec une cérémonie qui est vraiment démesurée, dangereuse et qui va bloquer Paris. Et là, encore une fois, on voit ce que c'est les Jeux Olympiques. C'est un grand événement pour le plaisir des politiques et des investisseurs parce qu'il y aura des pubs partout. Tout le long de la scène, vous aurez des pubs pour Coca-Cola, pour la BPCE, enfin bref, tous les... Je ne vais pas tous les citer, les pauvres. Enfin, je ne vais pas quand même faire ça à Paris Pluriel. Mais en gros, c'est les grands sponsors des Jeux Olympiques. Et que du coup, voilà, ça va servir les grands investisseurs, mais que tous les habitants vont être complètement chassés de chez eux parce que ça va être n'importe quoi tout le long de la scène avec des flics partout, de la surveillance partout, des contrôles partout. Ça va être infâme. Qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre, Nat? Bah, oui, mais c'est vrai que déjà, avec tous les JO, il y a la mobilisation de l'armée. Parce que c'est souvent très difficile d'assurer la sécurité, ou plutôt surveiller la sécurité avec uniquement la police. Du coup, il n'y a aucune raison de ne s'attendre à voir les militaires partout à Paris en été 2024. Et voilà. Donc, du coup, tu peux peut-être nous rappeler le blog sur lequel les gens peuvent éventuellement se connecter pour continuer à suivre SACAGE 2024, puisque donc déjà, il y a un rendez-vous jeudi à Saint-Denis, c'est une réunion publique. Donc, ça, c'est jeudi prochain. Oui, tout à fait. Oui, je peux donner l'adresse précise. Et le site web de Saccage 2024, où vous pouvez trouver tout l'archive du collectif, tout ça, c'est saccage2024.noblogs.org. Voilà. .org, ça marche. Ben, merci beaucoup à Saccage 2024 d'être venu nous voir et d'être avec nous par téléphone. Et ben, on se revoit hein, puisque 2024, on n'y est pas encore. Il y a plein de choses encore à mettre en avant. Et donc, n'hésitez pas à redire l'adresse là, pour jeudi si les gens veulent venir vous rencontrer. Square Jeter à Saint-Denis, en page GT8. Ok, ben, merci beaucoup. Profite bien des poules de la campagne du bon air et nous on fait pour la samedi, j'essaie de défier. Bah c'est ça, c'est le... Porte-toi bien, à tout bientôt, merci. Merci de nous avoir. Merci pour l'invitation, à bientôt. À bientôt, c'est la jungle des luttes 106.3 FPP, on fait une petite pause musicale avant de partir avec Raymond. ¿Qué onda, muchacha? Ahí vienes, te miro. Si me traes bronca, me aloco de a tiro. María Rolando, penetra en tu barrio. Soy la que retumba el bajo. Misma muchacha de pantalones anchos. Mexicana, aunque parezco del gabacho. Tengo ojos claros, güera de rancho. Yo soy de la silla como de la Villa Pancho. Todo mi squad son unas jefas. Siempre estamos ready pa' hacer feria. Tengo a tu chica en histeria. Le di un mezcal y se le quitó lo seria. Check, checka, yo no soy tu muñeca. Todo el día es 420 con los ojos de pacheca. Que tranza mi raza, arriba las manos. Gringo, latinos y todos gozando. La patrona, tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma, el gusano en el mezcal. Flota, flota como la patrona. Tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma, el gusano en el mezcal. Flota, flota. Del norte al sur, del este al oeste. Llega mi hijo, las mexas presentes. Dando el rol, escuchando a Chente. Coahuila, Jalisco, mucho caliente. Toma tequila las mechicas. Y también las chicanitas. No te me vayas con la finta. Que me hierve la sangre y con la se me quita. Mexicana, mami mexicana. Soldadera, única de la chingada. Estoy haciendo oro a partir de nada. Chambiándole, sudando la lana. ¿Dónde está mi cuete? ¿Dónde está el mariachi? ¿Dónde está mi gente? Es México caliente, puro desmadre, mucho caliente. La patrona, tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma, el gusano en el mezcal. Flota, flota como la patrona. Tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma, el gusano en el mezcal. Flota, flota. Mariachi sonando, retumba la troca. La chota te sigue si huele la mota. Lo único que pido es ganar con mi tropa. Ni aunque te quites, si te toca, te toca. Gota a gota, brote el aguacero. Sigo en el hustle como día cero. Cuando llegué aquí nadie apostaba un peso. Era mi rap, me hizo un deal por un millón de pesos. Boss ladies en el juego. A huevo tú también puedes hacerlo. Mezcal on your tongue, that's fuego. Hispana niña Dios, now let's go. La patrona, tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma, el gusano en el mezcal. Flota, flota como la patrona. Tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma, el gusano en el mezcal. Flota, flota. FPP, la jungle des luttes. Donc, on est jungle des luttes, comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, ensemble avec Raymond, qu'on a rencontré au comité de solidarité des Indiens d'Amérique, mais qui du coup a beaucoup participé au Voyage pour la vie et à l'organisation donc, de ce voyage des apatistes en Europe. Et donc ça, c'était déjà il y a plus d'un an. Il y a un an, au mois de juin, on avait reçu le 4-2-1, ceux qui étaient partis en bateau, qui avaient traversé l'Atlantique pour arriver en Espagne. Et donc on était à Vigo. Et donc on a eu l'occasion de rencontrer plein de gens à travers ce voyage pour la vie, et notamment donc Raymond qui vient aujourd'hui nous parler de ces territoires qu'on oublie parfois et qui pourtant font partie de notre histoire en France, là, nous qui sommes là. Des fois, on ne voit peut-être pas ce qui se passe en Amérique. Il y a un bout de territoire qu'on appelle Guyane, les Antilles et d'autres, évidemment, mais qui donc ont cette même langue qu'on partage. Et donc, ça nous permet aussi de pouvoir voyager un petit peu avec Raymond par là-bas pour que tu nous racontes un peu ce qu'on voit de loin, finalement, et qu'on n'aborde pas beaucoup, ni même dans l'actualité, de toute façon. Hormis quand il y a les gilets jaunes, donc il y a un truc comme ça, éventuellement un pic. Donc merci d'être avec nous, Raymond. Merci de me donner la parole. C'est vrai que lorsqu'on parle de ces territoires, alors il faut savoir que ces territoires, donc on parle de territoires d'Amérique, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Mais aussi, il faut ajouter le territoire de Saint-Indien, La Réunion, Mayotte, et le territoire aussi du Pacifique, Kanaky, aussi toutes les grandes îles de Papeete, etc. Alors, je m'arrêterai plutôt sur le côté des Caraïbes, c'est cette région que je connais mieux. Voilà. Alors, d'une manière générale, il faut se rappeler que ces territoires sont toujours des colonies. Alors, du point de vue du droit international, c'est des territoires non autonomes. C'est la terminologie de l'ONU, territoires non autonomes. C'est-à-dire des nations sans État qui sont dominées par des puissances coloniales. Alors, c'est vrai que vu de France, ça paraît pas comme ça. Tout simplement parce qu'au sortir de la guerre en 1946, l'idée générale qui dominait à ce moment-là, après cette terrible guerre, la Deuxième Guerre mondiale, c'est de faire en sorte que tous les territoires soient indépendants, soient libres, pour éviter ces révoltes, ces guerres. Voilà. Donc on s'était dit, la communauté internationale s'était entendue pour dire, tiens, il faut maintenant décoloniser tous ces territoires dominés par ces puissances. Alors, la France et beaucoup d'autres pays européens avaient des colonies. Alors, il y avait deux catégories de colonies. Donc, ce qu'on appelle les vieilles colonies, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion, qui sont des très anciennes colonies, par opposition aux nouvelles colonies de celles qui ont été conquises au 19e siècle, comme l'Algérie, aussi la Kanaky, tout ça. Voilà. Donc, on faisait ce distinguo-là. Mais tous ces territoires sont, malgré tout, des colonies. Alors, ce qui s'est passé, c'est que sous la pression de la communauté internationale, notamment des États-Unis, qui voulaient faire en sorte qu'il n'y ait plus de colonies dans le monde. Alors, la France, se sachant visée, a organisé un tour de passe-passe, on va dire. C'est-à-dire que, bien entendu, avec la complicité des élus de ces territoires, bien sûr. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a fait croire à ces territoires qu'on pouvait les intégrer dans l'ensemble national, la France. Donc, on l'a fait du jour au lendemain, ces territoires coloniaux sont devenus des départements français. Donc, comme on a fait un tour de passe-passe administratif, donc aux yeux du monde, ces territoires ne sont plus des colonies, mais des départements au même titre que le département de Seine-et-Marne ou de la Bièvre, etc. Et c'était joué, voilà, du point de vue des autorités françaises. Mais ces territoires restent des colonies aux yeux de la communauté internationale, comme je disais, des territoires non autonomes. Et bien entendu, dans ces territoires, il y a des forces politiques, des organisations qui résistent et qui s'opposent à cette situation coloniale. Et donc, il y a différentes organisations, on ne va pas les nommer toutes, voilà. Et aussi, il y a un mouvement indépendantiste qui s'est réveillé déjà dans les années 60, qui a été étouffé. Je parle notamment de l'OJAM, l'Organisation de la Jeunesse... Organisation de la jeunesse ou l'indépendance de la Martinique, voilà, et qui a été étouffée. Ces jeunes se sont retrouvés en prison carrément en France. C'était De Gaulle qui était au pouvoir ici. Donc, ce mouvement a été étouffé dans l'œuf. Voilà. Et à partir de cela, il y a eu des organisations politiques, comme le GRS, comme le MIM, etc., qui se sont créées au fur et à mesure, qui sont encore là aujourd'hui, et qui ont pris pour la plupart le pouvoir, qui ont exercé le pouvoir, à un moment donné, le pouvoir régional, voilà, mais ça va pas très loin, puisque c'est simplement un pouvoir local. L'État français a compris que il y a des... Pour étouffer ces élans de séparatisme, il fallait lâcher du lest et donner à ces partis-là, eh bien, la possibilité d'exercer, de participer à la gestion de ces territoires, mais sans, en gardant, bien sûr, toutes les prérogatives régaliennes. Donc forcément, ça ne change pas. Que ce soit des partis indépendantistes qui gèrent ces territoires ou des partis de droite ou de gauche traditionnelle, ça ne change pas fondamentalement la donne. Pourquoi je dis ça ? Parce que si on compare avec, ne serait-ce que dans d'autres colonies comme la Kanaky, vous avez ces partis ou la Polynésie, ces partis indépendantistes ont engagé un processus. Disons que vous voulez être indépendant, mais encore faut-il que la communauté internationale le sache. Donc il faut inscrire son pays, en tout cas tout faire pour inscrire son pays à l'ONU. Il existe un comité qui enregistre en fait les demandes des organisations de ces pays qui veulent que leur territoire soit indépendant. Voilà, donc c'est la démarche qu'a engagé le FNKS en Kanaky et le parti Temaru en Polynésie. Donc l'organisation la plus en avance, c'est le FNKS qui a déjà enclenché trois référendums. Le parti de Temaru en Polynésie est encore un petit peu en retrait. Ils n'ont pas encore pu avoir une date de référendum. Donc ils sont quand même beaucoup plus en avance que les partis indépendantistes des autres territoires qui ne pensent même pas en tout cas, ces questions-là sont loin de leurs préoccupations. Donc, en fait... Les partis indépendantistes de territoire des Amériques pensent plutôt à gérer la situation coloniale plutôt que d'engager leur territoire sous la voie de la souveraineté nationale. C'est ça le constat qu'on peut faire. Alors, c'est vrai que il faut savoir que ces territoires sont soumis depuis le début de la colonisation, à un pacte colonial. C'est-à-dire que depuis 1635, pour la Martinique, le début de la colonisation à ce moment-là, ces territoires sont soumis à ce pacte colonial. C'est-à-dire que ces pays n'ont pas le droit de produire des productions qui concurrencent celles de la métropole. Ces pays sont là uniquement comme marché captif, voilà, et produisent que ce que la métropole, c'est le terme consacré, ne peut pas produire. Donc les produits tropicaux, voilà, canne, sucre, etc. Et il n'y a pas de transformation d'autres produits qui permettraient à ces pays-là de se développer économiquement. Alors le but c'est tout simple, c'est simplement de maintenir ces territoires sous une dépendance perpétuelle pour éviter toute revendication de souveraineté nationale. Toute vérité étouffée, toute vérité d'indépendance. Et pour l'instant, ça marche depuis quelques siècles, même si, effectivement, il y a des mouvements de protestation. Et on voit que ces mouvements de protestation s'amplifient. On se rappelle, il n'y a pas longtemps encore, ces mouvements des déboulonnages de statues. D'ailleurs, la statue de celui qui a foulé du pied la première fois, c'était en Martinique, c'était Bélin de Nambuc. C'est un flibustier qui a pris pied en Martinique au nom du roi de France. Voilà. Et c'est là le début de la colonisation française en Martinique, que l'on connaît mieux. Et depuis cette période-là, ça a été le massacre des populations autochtones, des Arawaks qui étaient là depuis des millénaires. Et aussi, après cela, c'est l'introduction massive, la déportation massive d'Africains. Voilà, donc ce sont nos co-ancêtres, on va dire. C'est nos ancêtres autochtones qui étaient présents sur le territoire, qui ont été massacrés, et nos ancêtres africains qui ont été déportés là, sur le territoire, pour développer l'économie de plantation qu'on connaît bien et qui existe de manière atténuée, mais qui existe toujours, puisque jusqu'à maintenant, les territoires, l'économie de ces territoires s'organise autour de la plantation. C'est une unité de production. En général, une monoculture. La dernière monoculture, c'est la banane, ouais. Avec les conséquences qu'on connaît maintenant, avec la catastrophe de la chlordécone, voilà, qui a empoisonné non seulement les sols pour des siècles, mais aussi empoisonné les populations et l'environnement. Donc, c'est un écocide et un crime contre l'humanité. D'ailleurs, les organisations ont lancé une procédure contre l'État depuis des décennies et qui n'a pas abouti parce que l'État français fait tout pour étouffer ou sinon essayer de dévier vraiment les responsabilités, de les diluer pour ne pas indemniser ces victimes. Voilà. Donc, c'est des départements, des territoires qui sont sous-développés parce qu'ils sont brimés, voilà, et par un système colonial, donc qui sont dominés politiquement, économiquement, socialement, et qui n'ont pas de perspective sinon que de sortir de ce système colonial. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de militants disent qu'ils ne veulent pas simplement se couper définitivement de la France, c'est sûr, puisqu'il y a quand même une histoire commune. La France, c'est un pays comme un autre, bien sûr, mais peut-être plus parce qu'il y a plus d'affinité, on va dire, même si c'est des histoires tragiques. Ce qu'ils veulent, c'est avoir d'autres relations avec la France, des relations équilibrées de pays à pays, et un peu comme la France a bien refusé l'occupation d'Asie. Si la colonisation, c'est une bonne chose, hein, pourquoi la France n'a pas accepté d'être un grand landeur allemand ou un ensemble de landeurs allemands? Voilà, c'est un peu ce qui se dit ça et là. Voilà, donc c'est une situation de dominé à dominant qui existe depuis plus de 400 ans, voilà, même si c'est dilué effectivement sous l'apparence de vernis, de départements. Maintenant, c'est des territoires, pas autonomes, avec un minimum d'autonomie pour donner, permettre à ces pays, leur donner un semblant de gérer leur d'autogestion, on va dire, mais très, très, très limité. Et ce système ne permettra pas du tout à ces territoires de se développer, puisque la France garde toujours la main au niveau économique, social, et un pays aussi centralisateur qui ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Et même, on le voit même sur le territoire français, les décisions, même s'il y a une déconcentration de l'État, une décentralisation, beaucoup de décisions appartiennent encore au pouvoir central. Donc, c'est encore, cette situation, elle est encore démesurée chez nous avec la distance et aussi avec la situation de dépendance, voilà, de ces territoires par rapport à la France. Voilà. Il faut savoir que, je ne sais pas, on le souligne pas assez, mais ces territoires confère à la France la deuxième puissance maritime du monde. Si vous enlevez ces territoires, la France revient comme le Portugal ou l'Espagne, tout simplement. Vous enlevez les colonies, la France revient, peut-être pas comme avant, on va dire, parce qu'elle elle s'est développée davantage que le Portugal et l'Espagne. Mais on a vu que le Portugal a perdu son empire très tôt, dès le 19e siècle. On a vu comment l'État du Portugal est redevenu à l'État économique, presque à l'État économique où il était. Voilà. C'est-à-dire un retard de développement. Pareil pour l'Espagne. L'Espagne a perdu tout son empire colonial des Amériques, aussi à cette période-là. Et ces pays-là sont redevenus à la traîne de l'Europe parce qu'ils n'ont plus leur empire colonial. Donc c'est cet empire-là qui a enrichi et qui continue d'enrichir la France, puisque ça lui donne des marchés captifs, voilà, pour écouler leurs marchandises et un développement, une puissance que d'autres nations européennes n'ont pas ou non plus. Merci Raymond. On va faire une petite pause musicale et puis on continue. Musique, 106.3 FPP. Des pics centres commerciaux, des gros parcs d'attractions, pauvres sans illusion, gentrification, capital symbolique, cœur de ville attractif, comment faire du verre une bonne marque de fabrique, projets économiques, hyperconnectivité, révolution numérique, multiples activités, jolis éco-quartiers, festivalisation, mouvement perpétuel, constante accélération, tout va trop vite aujourd'hui, beaucoup trop de réseaux, bientôt la 7G c'est pas assez pour les ados, vélo sur le forêt dans le goudron, urbanisation des villes, nouveaux modes de gestion, moyens de production, de colonisation. nation. Société de contrôle pour docile population. Pilule verte avalée, greenwashing de saison. Manger bio entre deux alertes de pollution. Brûler la métropole, ne rien laisser de vous. En hommage à tous ceux qui essayent de joindre les deux bouts. Pas le choix de tout cramer, tout casser, tout fumer. Tout péter, vandaliser, apeuré, scandalisé. Brûler la métropole, ne rien laisser de vous. En hommage à toutes celles qui refusent de se mettre à genoux. Pas le choix de résister, se lever, manifester. En guerre contre leur monde, arrêter de nous faire répéter. Ils nous prennent pour des cons avec leurs élections. De toute façon, y'a plus de rêve, y'a plus de saison. Capitalisme vert, bobo et libéral. Bientôt une œuvre d'art au milieu d'une centrale nucléaire prévision. Faites vos provisions, le seul espoir en ville, c'est la mort comme horizon. Métropole saturée, environnement calciné. Ça chauffe un peu partout, pas prêt de s'arrêter. Extinction, rébellion, pas de cœur pour les stars. Non-violence, pourquoi pas, même s'il est déjà trop tard. Résistance hacker, anonyme vengeur. Discours moralisateur, t'inquiète, on le connaît par cœur. Refusez de laisser faire, sauver la planète Terre. La fatalité, sa mère, pas de destin mortifère. Seule solution viable, passe par le feu, les larmes. Une révolution sociale, un dernier cri d'alarme. Brûlez la métropole, ne rien laisser de vous. En hommage à tous ceux qui essayent de joindre les deux bouts. Pas le choix de tout cramer, tout casser, tout fumer. Tout péter, vandaliser, apeuré, scandaliser. Brûlez la métropole, ne rien laisser de vous. En hommage à toutes celles qui refusent de se mettre à genoux. Pas le choix de résister, se lever, manifester. En guerre contre leur monde, arrêter de nous faire répéter. FPP, la jungle des luttes, programme proposé par le comité du Chiapas, comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc on se réunit tous les mercredis soirs, le 1, le 3 et le 5e seulement. 1, 3 et 5e mercredi à 20h30, mais bon là c'est les vacances. Donc là on se retrouvera plutôt à la rentrée, hein, premier mercredi du mois. Et donc c'est dans les locaux de la CNT, 33 rue des Vignoles. Et donc la jungle des luttes, c'est une fois par mois, le 3e lundi du mois. Donc là on est en direct ensemble jusqu'à 20h30 et on sera retransmis le 4e jeudi, le matin, vers 8h30. Voilà. Et donc là on est avec... Antoine, je crois, peut-être Juliette aussi, qui sont partis il y a plusieurs mois au Mexique, ont fait des brigades d'observation et donc ils ont pu s'approcher des apatistes, s'approcher de la situation aussi, renifler, voir, observer, prendre des photos. Ils ont fait une expo il n'y a pas longtemps. Et donc, du coup, ils ont là aussi leurs antennes encore qui sont un peu partout. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent partout dans le monde, au Mexique et notamment au Chiapas et précisément dans la communauté San Gregorio. Et donc, je vous laisse la parole pour que vous nous disiez un peu ce que vous avez eu le temps de prendre comme... prendre connaissance des informations de ce qui se passe. Il y a eu plusieurs manifestations, enfin plusieurs textes qui ont manifesté justement ces inquiétudes depuis plusieurs semaines et plusieurs mois déjà, hein, parce qu'il n'y a pas qu'à San Gregorio, parce qu'il y a plusieurs endroits d'attaque, et puis après il y a effectivement des situations plus brûlantes à certains moments. Donc merci d'être avec nous ce soir sur FPP, donc 106.3, c'est à vous, on vous laisse la parole, merci. Bonsoir. Bonsoir. Salut oui, à vous. Ouais, alors nous on a appris un peu ce qui se passait. On a été un peu sous le choc parce que nous quand on a fait des brigades en octobre dernier ça nous a fait vraiment bizarre d'entendre que le camp était fermé par euh, par le Freiba et qu'il n'y ait plus d'observateurs dans cette communauté parce que voilà, nous on sait dans quel état psychologique ils étaient, que c'était très dur pour eux et pour elles, et savoir que du coup il n'y a plus d'observateurs et d'observatrices maintenant, pour nous c'est assez dur à entendre. Justement, bah, du coup, raconte-nous, parce que finalement, de toutes ces informations, qu'est-ce qui se passe en fait exactement du coup ? Ouais, ben nous, on est toujours en contact avec des gens du Centre des droits humains Freiba, et on a appris que du coup, il y avait eu des menaces de mort à l'encontre des habitants de cette communauté et à l'encontre des observateurs des droits humains. En gros, ce qui se passe dans cette communauté, c'est qu'il y a un groupe d'envahisseurs qui a décidé de revendiquer les terres des apatistes de cette communauté de Novo San Gregorio, et ils ont mis des barbelés partout, ils se les sont accaparés, et ils ont laissé la communauté sans rien, en fait, sans possibilité du coup de quasiment de cultiver, de se nourrir, sans possibilité de vendre un peu de leur production pour acheter ce qu'ils ne sont pas capables de produire. Et voilà, du coup, ils se sont retrouvés sans pouvoir manger à leur faim, sans pouvoir acheter les autres choses. Et voilà, dans l'obligation de développer d'autres manières de subsister, quoi. Ouais, ben en fait, ça rappelle une période qu'on avait qui avait été un peu mise de côté, cette période de contre-insurrection, comme dans les années 90, en fait, où c'était justement du harcèlement de communauté, avec le pillage, avec toute la politique de contre-insurrection qui fait que tu rends la vie impossible aux gens, et tu es capable de contaminer leurs eaux, etc., ou effectivement de les empêcher de pouvoir cultiver, donc leur enlever tout moyen de subsistance. Et donc ça avait été un peu mis de côté, puisqu'il y avait eu une autre politique qui avait été mise en place avec mettre beaucoup d'argent dans les villages à travers un certain nombre de projets, construction de piso firme, des sols cimentés ou des routes, construire leurs maisons, etc., donner aux communautés les possibilités d'un mieux vivre, tout en n'étant donc pas apathie, ce qui permettait aussi un peu de décourager, de renverser la machine, parce que les apathistes avaient mis en place un certain nombre, malgré cette politique de contre-insurrection, quand même beaucoup de choses en place, avec leurs écoles, leurs maisons de santé, etc., avec certains endroits développés plus rapidement que d'autres, certains plus attaqués que d'autres. Mais donc, du coup, il y a eu maintenant, justement, cette résurgence de ces attaques paramilitaires, de l'organisation villageois, qui parfois sont, en fait, de par leur impunité, se permettent de pouvoir enfreindre la loi. Et il y a toute la politique des terres récupérées, notamment puisque les apatistes ont récupéré énormément de terres. Au moment de la récupération de terres, ils en ont cédé à certaines personnes qui n'étaient pas des apatistes. Et là, au jour d'aujourd'hui, il y a tout un jeu sur la question de ces droits sur les territoires, puisque du coup, ils peuvent aussi... ils ne peuvent pas revendiquer d'avoir des papiers sur leur territoire en général. Et donc, il y a aussi ce jeu-là où, comme les autres, les adversaires sont couverts, forcément, il y a un certain nombre d'endroits où on peut se retrouver dans des conflits comme ça qui durent longtemps. Et même si les apatistes ont justement... de ce que j'ai compris, fait preuve justement de volonté de trouver une solution politique et pacifique. Il me semble qu'ils avaient proposé éventuellement de donner la moitié du territoire, effectivement, mais de pouvoir se répartir de façon intelligente et pas dans un rapport offensif, quoi. Donc, ils nous ont expliqué qu'en fait, il y avait eu trois propositions qui avaient été faites. La première, ça avait été de travailler toutes ces terres en collectivité et de se répartir la production et les récoltes à parts égales. Donc ça avait été refusé. Et ensuite, ils ont proposé de faire moitié-moitié sur les terres, en gros. Et ça a été également refusé. Ben oui, puisque de toute façon, leur volonté, c'est pas de trouver une solution, les autres. Donc, effectivement, ouais. Forcément, ouais, ben oui. C'est un peu ça. C'est pour ça que c'est difficile, puisqu'ils sont prêts à tout et couverts par, par les pouvoirs. Et donc, tout un tas d'exactions peuvent avoir lieu sans que finalement, les personnes soient vraiment inquiétées. C'est un peu problématique et flippant. Ouais. Oui. Oui, puis en plus, c'est monté en intensité, en fait, finalement. Nous, quand on est parti, on avait entendu... Enfin, la rumeur, c'était qu'ils allaient revenir en... Enfin, que les envahisseurs allaient revenir en décembre, janvier, pour, en gros, sortir le bétail des habitants et labourer cet espace-là. Donc, c'est ce qui s'est produit à peu près comme il l'avait prévu, en fait, finalement, en janvier. Donc ça, on a déjà entendu, enfin nous, on avait entendu qu'il s'était passé ça, puis après, on a entendu que les envahisseurs, ils avaient pélo, un truc comme ça, enfin, ils avaient abîmé l'accès à l'eau. Et puis, en fait, voilà, ça s'est pas calmé, ça c'est plutôt allé crescendo, quoi. Et du coup, là, au niveau des brigades, vous avez des nouvelles des brigades, justement, si ils réussissent à envoyer des gens, donc les brigades d'observation, si tu peux en dire vite fait trois mots éventuellement, parce que c'est assez important comme principe, puisque depuis le départ, il y a des brigades qui sont organisées. Ouais, du coup, je vais prendre la parole. Les brigades, là, non, du coup, il n'y a plus de brigades pour l'instant. Freiba a décidé de stopper tout envoi de brigades, considérant que c'est trop dangereux pour les observateurs. Donc, pour l'instant, je pense que ça les met dans une situation qui est très très compliquée, parce que en fait, ils ont en plus d'un besoin de montrer ce qui se passe, d'avoir une visibilité. Là, ils se retrouvent complètement seuls, en fait, et même psychologiquement, pour eux, je pense que c'est très difficile. On l'a vu, nous, quand on est arrivé là-bas, ça faisait à peu près un mois qu'il n'y avait pas de brigade. Et quand on est arrivé, quand les observateurs sont arrivés, là, on a vu la détresse. Ils étaient, c'était très, très difficile pour eux d'avoir été seuls pendant un mois. Et donc, je pense que là, d'être à nouveau seul et que le Freiba ait décidé d'arrêter les brigades parce qu'ils considèrent que c'est trop dangereux, je pense que c'est... Voilà, ils doivent le vivre très, très mal. Donc, la communauté, voilà. Après, ouais, c'est juste pour expliquer, du coup, je ne sais pas si c'était ça, c'était la question d'expliquer ce que sont les brigades. C'est, en gros, il y a ce centre des droits humains, Freiba, qui est à Saint-Sauvalet-Las Casas, qui envoie des personnes volontaires, qu'elles soient mexicaines ou internationales, dans des communautés qui sont comme les Novo San Gregorio, qui sont en résistance et qui se retrouvent dans des situations de conflit. Et donc, les observateurs et les observatrices ont pour mission de documenter ce qui se passe, de prendre des photos, d'écrire ce qu'elles entendent sur d'éventuelles rumeurs, de noter ce qui est observé, de transmettre toutes ces infos après au Centre des droits humains qui peut les utiliser pour alerter l'opinion publique ou pour faire des pétitions, pour mettre la pression sur les autorités officielles. Et il y a aussi un effet, normalement, un effet dissuasif qui est attendu aussi des brigades, c'est-à-dire que le fait qu'elles soient dans ces communautés en situation de conflit, ça évite souvent que la situation s'envenime, parce que les personnes qui sont en conflit avec, que ce soit les apatistes ou d'autres communautés indigènes en résistance, elles n'ont pas intérêt à ce que ça se sache trop, à ce que ce soit trop diffusé. Et voilà, donc alors, en général, ce que nous expliquait le Freiba, c'est que là où il y a des brigades, là où sont envoyées les brigades, la situation se calme un peu, ou alors en tout cas, ça ne devient pas plus grave, quoi. Bon, là, c'est pas ce qui s'est passé actuellement. Oui, du coup, avec Novo San Gregorio, ça n'a pas vraiment été le cas, mais peut-être que ça a retardé l'échéance, c'est dur de savoir après. Ben oui, je pense que c'est en fait important aussi. C'est pour ça qu'il y a eu des appels qui ont été envoyés à la communauté internationale, effectivement, pour qu'on puisse faire du bruit. Après, sur la situation en concret, bah, effectivement, il y a sûrement, pour les personnes qui iraient au Mexique, probablement des brigades d'observation qui sont possibles ailleurs qu'à Nuevo San Gregorio. Je ne sais pas. J'imagine qu'ils n'ont pas arrêté toutes les brigades, ou vraiment toutes les brigades. Je crois qu'actuellement, il n'y a plus du tout de brigades pour l'instant. En fait, je crois que, je crois que la communauté de Nuevo San Gregorio, c'était la seule qui était ouverte un peu aux brigades. Mais je crois que c'était un peu en raison du Covid aussi. Je crois que les abattistes, ils n'étaient pas... Bah oui, c'est ça. C'est qu'a priori, ils avaient été fermés pendant... Nuevo San Gregorio qui avait... Pour les besoins, effectivement, parce qu'il y avait une tension forte, il y a eu exception faite à ce niveau-là. Mais sans doute qu'il y en a d'autres qui vont ouvrir. Alors, je crois qu'il y a Acteal. Je crois qu'il y a seulement Acteal qui est ouvert, en fait. Ouais, et qui ne sont pas des communautés zapatistes, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu, sans doute, par rapport au Covid, cette restriction. Ouais. Bah oui, parce que du coup, la situation dans les communautés zapatistes, je pense que c'est assez difficile, justement, parce que comme on vient de le dire, ils ont été fermés pendant plus de 2 ans. En même temps, ça correspond aussi à cette folle aventure qui a été le voyage pour la vie. Donc en même temps, c'est beaucoup d'énergie qui a été mise dans ce voyage pour la vie. Il y a eu aussi énormément d'attaques pendant ce voyage pour la vie vis-à-vis des communautés zapatistes, ce qui n'est pas rien non plus. Enfin, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi concrètement lié à ce voyage pour la vie, tout ce qu'ils ont organisé, et à ce voyage en Europe, et avec donc cette puissance aussi, et qui a aussi créé, je pense, cette offensive du côté des ennemis zapatistes. Je pense que l'offensive, elle est en train de monter, effectivement, depuis qu'il y a ce voyage pour la vie, et qui continue du coup. Nous, quand on y était, on y était au moment du départ des zapatistes en Europe, quand on a accompagné la caravane du Chiapas à Mexico, du coup. Et effectivement, à ce moment-là, il y a eu l'enlèvement de, je sais plus, 2 ou 3 personnes de l'Assemblée de bon gouvernement du Caracol 10. Justement, le Caracol dont fait partie de Nuevo San Gregorio. Il y a 2 ou 3 personnes, je sais plus, qui ont été enlevées pendant... une semaine, 10 jours, par un groupe paramilitaire, là, les Orcao, et ça correspondait pile au moment où les zapatistes étaient sur la route, en chemin pour l'aéroport. Oui, effectivement, et ça, c'est aussi des zones où il y a des conflits depuis très, très, très longtemps, en fait, depuis le début du soulèvement. Donc, c'est des conflits larvés qui se transmettent de génération en génération. Avec une violence qui est plus ou moins importante selon les époques. Il semblerait qu'effectivement, il faut se mobiliser de là où on est, si c'est possible, puisque si sur place, on ne peut plus y aller, effectivement, il faut essayer de se mobiliser. Et là, y a eu des appels, des choses qui ont été envoyées, mais je crois qu'il faut continuer à se mobiliser. Merci beaucoup de nous avoir appelés et de nous avoir partagé toutes ces infos. On se revoit à la rentrée de toute façon, sans doute. Il y aura justement, j'espère, des mobilisations qui se feront d'ici la rentrée, enfin à la rentrée, et d'ici là peut-être encore via les réseaux, je ne sais quoi, il y a toujours moyen de se mobiliser. Ouais, nous, on a réalisé un documentaire sur cette communauté. Du coup, si vous souhaitez le mettre en ligne quelque part, c'est possible. Ben oui, je pense que ça pourrait être une bonne idée. On a une journée de distribution café le 1er octobre, donc au CICP. Donc ça peut être une bonne occasion de pouvoir le projeter déjà éventuellement et le mettre en ligne. Ben, pourquoi pas, on a moyen, on va voir ça avec les CSPCL. Donc comme je le disais, on reprendra le premier mercredi de septembre. Donc, mais d'ici là, on peut s'écrire. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, à bientôt. On fait une petite pause musicale. 106.3 FPP, la jungle des luttes, c'est bientôt fini. Musique. Escuela de Producción Popular y Comunicación Alternativa. Época. Yo. Hay personas que se quedan con primeras impresiones, otras que analizan y piensan, descomponen. La realidad es compleja, no deja espacio pa' que te estresa y con mentiras sus rejas imponen. Detrás de lo evidente se esconde algo siempre. Eso que está al frente no es lo que tú crees, miente. Lo corroboro y paranoia en la ciudad, detrás de las rejas que cubren y miran, detrás de las cámaras que supuestamente cuidarán tu vida. Paranoia, el celular de tu novia suena y tú quieres saber que la llamas. Déjame ver tu mensaje y sabré si me amas, o peor aún, lo tomas cuando duerme profundo en la cama y revisas por horario cada una de sus llamadas. Paranoia global por el próximo atentado que se vaya trama, por el nuevo virus de moda que acecha para cual no hay vacuna creada. Presiona el botón de pánico en estado crítico, acciona la alarma, esconde tus joyas, contra tu seguro, matan siempre carga del arma. Y si hay que matar a alguien hoy día, que sea el policía que lleva dentro. Y si hay que hacer justicia, justiciemos los prejuicios y los pretextos. Detecto delirios, martirios, locura total. Sociedad enferma mental, la propiedad privada quiere cuidar. Y por esto se enrejan el vínculo de la bodega. En iglesias se encierran y rezan presos de sus propias quejas. Yo, yo. Noche de insomnio, creo que voy derecho al manicomio. Los sentidos agudizan con la droga y otra vez toco fondo. Crees que todo te mira cuando voláis por primera vez en el paradero esperando la micro. Pasáis de la bola al estrés y ves que no hay confianza en la pareja. Aumenta la paranoia, todo sucede por algo y el mejor termina si no tiene agua a la noria. Yo estoy en la gloria, solo con tranquilidad, sin dinero ni joya. Lleno de incertidumbre y nada seguro, se vive aquí en la pincoya. Esto explota mi rap, es un 38 en tu boca. Esta música te despierta más que 30 gramos de coca. Somos la nueva canción popular desde que salió el poblacional. Entra ansiedad, inseguridad en la ciudad, paranoia, depresión mental. No hay progreso, lo ingreso, a ningún santo yo le rezo. Empiezo el segundo disco de Salvaje Salud, por eso es el regreso del expreso. La paranoia del facho, psicoseado pensando en cómo arreglar el mundo pegado al techo. Alguien te busca, te vigila y sancionará tu mala conducta. Presiona el botón de pánico, saluda a la cámara oculta. Paranoia, el jefe se te busca y no te deja en calma. Cuida tu espalda, anda, mantén siempre carga del arma. Alguien te busca, te vigila y sancionará tu mala conducta. Presiona el botón de pánico, saluda a la cámara oculta. Paranoia, en un mundo enfermo y frío como roja. Esto explota y mi rap es un 38 en tu boca. Alguien te busca, te vigila, sancionará tu mala conducta. Te están grabando la cara, saluda ya la puta cámara oculta. Ellos te apuntan y te miran, no se preocupan ni te cuidan. Solo crean excusas para subyugar y disciplinar tu vida. Si eres morocho, eres un sospechoso y tombo, pide la cédula. Pensar es muy peligroso, malacatoso, paga del celular. Así que vas a hablar de un mundo nuevo. Van a acusarte pronto luego de quebrantar y romper con su orden y su molde ciego. No es una parábola, es real el drama. Ahora es clara toda la tramoya, detrás de la puta paranoia, quieren tu alma roya, quieren su trauma, logra de tu cabeza cosechar la sospecha, se propaga y roda. Celulares pinchados, canes guardianes del estado, por varios lares, radares satelitales nos tienen rodeados. Y es que desde arriba nos privan de privacidad a diario, en pro de cuidar la puta y podrida propiedad privada del empresario. No porque seas paranoico significa que no te persigan. Cuida tu espalda, joven rebelde, la máquina asesina tu vida hostiga. No escatiman en gastos, te quieren muertos, porque en la mañana vendrán y el resto tu cara olvidará. Para mí en la ciudad un panorama funesto. Ellos tienen la plata, las armas, las ansias y han generado un modelo para vigilar, castigar y matar a aquel que se desvíe del promedio. Sociedad, enfermedad, individuales, reales, un trastorno mental. El síntoma visceral de un sistema ideal neoliberal. Tienen miedo a que se pase la vieja, que se vaya el tren que a nadie espera, o que de noche el helicóptero negro te descuartiza y ni te entera. A todo aterra que llegue la muerte, a perder la propiedad y a la mala suerte. Sociedad sumisa inerte, 81 calcinan en su grito inerme. Enorme el psicoseo, no sabrán que llevo en mi mochila. Un kilo de polvo blanco, unos fierros, medio litro de benzina. Si vas a acabar con el miedo, hazle daño a quien de lo imperante es el dueño. Sin someterme a engaño, siempre va machoque con mi salvaje piño. Alguien te busca, te vigila y sancionará tu mala conducta. Presiona el botón de pánico, saluda a la cámara oculta. Paranoia, el jefe se te busca y no te deja en calma. Cuida tu espalda, anda, dell'arma. Alguien te busca, te vigila y sancionará tu mala conducta. Presiona el botón de pánico, saluda la cámara oculta. Paranoia en un mundo enfermo y frío como roja. Esto explota, mi rap es un 38 en tu boca. Realidad supera ficción, supera lo verso ficticio. Paranoia global. La paranoia del facho. La paranoia del facho. Cent 6.3 FPP, la jungle des luttes, on finit pour ce mois de juillet. Donc, on vous retrouvera normalement le mois prochain. Il devrait y avoir des interviews qu'on a pu faire. Donc, du coup, ben voilà, on va essayer de monter une petite émission. On se retrouvera donc au mois de septembre, donc comme tous les troisièmes lundis du mois à 19h en direct jusqu'à 20h30 et retransmis le quatrième jeudi à 8h30. Et on a un blog aussi avec nos émissions. Donc ça, c'est le blog La Jungle des Luttes. Donc il en manque probablement. On finira un jour par avoir tout au point sur ce blog. Mais donc depuis 2007 quand même, hein, ça fait c'est qu'il y a un bon nombre d'émissions quand même. Il s'est passé pas mal de choses. À cette occasion, du coup, je remercie les filles de la technique parce que sans la technique, on peut pas avancer hein, trop. Donc là, justement... on a Chloé et Véronica qui commencent à être bien rodées, donc ça c'est chouette. Et donc une équipe de filles, ça tourne, on se retrouve à la rentrée le 1er octobre. Vous pouvez mettre sur vos petites tablettes donc que c'est la journée distribution café. Donc le café Zapatiste, vous en avez déjà entendu parler sans doute. C'est donc un café rebelle que l'on prévend. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, il y a une journée de distribution, mais il y en a souvent un peu plus pour ceux qui n'auraient pas commandé. Et donc, le principe, c'est que vous achetez votre café en amont, ce qui nous permet, nous, de payer les producteurs et ensuite de payer les derniers 40% au moment de la réception du café. Donc, c'est une commande une fois par an. Ça demande de l'organisation. Mais donc, du coup, là, la distribution, c'est le 1er octobre. Et à cette occasion, on parlera des Zapatistes. Il y aura de l'artisanat. Il y aura sûrement d'autres tables en général qui seront là. On a souvent la table du CSIA, donc justement, un autre collectif de la MILPA. Donc voilà, il y a de quoi faire. Et on va faire une projection, a priori, de documentaires liés aux Zapatistes, liés au voyage pour la vie, etc. Donc on va voir ce qu'on a, mais donc dans vos tablettes le 1er octobre. Au CICP. Et sinon, de toute façon, nous, on se retrouvera le troisième lundi du mois de septembre. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça tombe, mais c'est le troisième lundi et on sera là. Merci à vous. Bel été. La lucha sigue. Raymond, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'accueillir. Et puis, on se retrouve ici, là-bas, partout. La lucha sigue. Bel été. On lâche rien. Bisous. Bisous. ¡Vamos!